Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Merci d'avoir choisi le rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons parler des pistes de passage encore fermées entre le Burundi et la RDC et entre le Burundi et le Rwanda voisin. Ceux qui se déplacent dans cette région des Grands Lacs sont souvent obligés de parcourir des longs trajets dans leurs activités transfrontalières. Ainsi, les Burundais proches de la frontière voulant se rendre au Rwanda passent par la frontière Ruhwa. Il en est de même pour les Rwandais des communes transfrontalières qui viennent au Burundi. Pour se rendre au Burundi, un Congolais de la plaine de la Rusizi passe par Uvira puis Kamanyola. Il doit franchir 4 frontières à l'aller et 4 frontières au retour. Passer d'un bis à un autre 3 fois à l'aller, 3 au retour, alors que de Kamanyola à Chibitoke ou de Sangé à Buganda, on traverse juste la Rusizi. Ce problème concerne presque tout le pays, au nord, de l'est à l'ouest, aux frontières avec le Rwanda et la RDC. Pourquoi certaines pistes aménagées sur les frontières restent fermées? Quelles conséquences pour les populations voisines et celles exerçant les activités transfrontalières? Quelles solutions pour que le bien-être des populations de la région soit la réalité? Dans cette émission, nous avons deux invités sur le plateau. Il s'agit de Benny King Dushikane, professeur d'université, chercheur en droit commercial. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour messieurs, merci de nous avoir invités. En deuxième position, nous avons Fulgence Manirahinyuza. Il est représentant légal de l'association communautaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme ACPDH. Bienvenue à vous aussi. Merci aussi de l'invitation. Nous avons voulu être avec Polycarpe Kubgayo, secrétaire exécutif de l'Association des commerçants transfrontaliers ACT, mais dans les dernières minutes, il nous a informé qu'il a été empêché. La mise en onde est assurée par Rikuimana. Innocent Bibonimana est à la prise des images. À la réalisation, nous sommes avec Leondas Kirombo. Vous retrouvez la voix de Variste Nziko Banyanga à l'animation de ce débat. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. Ouvrons Mosaïque par ce reportage recueilli en province Chibitoke où les habitants demandent la réouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo du côté des traversées se trouvant sur la rivière Rusizi. Ceci pour que le commerce transfrontalier puisse reprendre sur cette partie de cette province de l'ouest du pays. Dans une réunion avec les natifs de Chibitoke, le Premier ministre Gervé Ndirakobucha ayant recommandé au gouverneur de cette province d'entamer des négociations avec ses collègues congolais dans ce sens. Les détails avec Alexis Ndairagish. Cette traversée se trouve sur la rivière Rusizi, sur la 3e transversale Nyamitanga, la 4e transversale Ndava, la 6e et 3e Gasenyi, 10e, 6e et 4e transversale Chibitoke, sur la localité de Marambo et Rukana de communes de Rugombo et Buganda. Les usagers de cette traversée indiquent qu'ils facilitent le commerce transfrontalier et les relations familiales entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Ils demandent la réouverture de ces traversées, c'est au moment où du côté burundais, la frontière est ouverte, tandis que du côté congolais, la frontière reste fermée. Le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, demande au gouverneur de la province de Chibitoke de rencontrer ses collègues congolais pour trouver solution qui concerne la réouverture de ces traversées afin que les échanges entre la République démocratique du Congo et le Burundi sur la rivière Rusizi du côté de la province de Chibitoke reprennent. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci à Alexis Ndairagije pour tous ces détails, mais restons toujours dans cette province. Cette fois-ci en commune Mabayi, à la frontière burundo-rwandaise, qui est toujours fermée sur la colline Ruhororo, colline voisine avec Rweyeye du côté rwandais. C'est au moment où d'autres pistes frontières avec le Rwanda ont été rouvertes. Côté Chibitoke, surtout à Mabayi, La population demande que cette triste frontière soit rouverte pour que le commerce frontalier et les relations entre les peuples rwandais et burundais puissent se reprendre. L'administrateur communal de Mabayi, Nicodème Ndahabonimana, confirme les faits, mais tranquillise sa population que cette question va trouver solution d'ici peu. Suivez l'administrateur de la commune Mabayi. Nous avons bien reçu les doléances de la population et nous les avons déjà soumises au gouverneur de la province Cibitoke. Il nous a déjà répondu qu'il y compte se parler avec les autorités rwandaises sur cette question. Il nous a promis qu'il n'y a pas de problème vu que toutes les frontières ont été rouvertes. Quand la frontière était perméable, il y avait la valeur ajoutée pour la commune, des taxes entrées dans les caisses communales en premier lieu et en deuxième lieu. Il y avait des échanges commerciaux entre Rwandais et Burundais. En ce moment, une soixantaine de vaches entraient en provenance du Rwanda et chacune payait une taxe d'entrée au marché en raison de 10 000 francs burundais par tête. Vous entendez que ces vaches généraient 600 000 francs burundais qui rentraient dans les caisses communales chaque mercredi. Les Rwandais venaient vendre des ustensiles de cuisine, des habits aux prix abordables. Au retour, ces Rwandais achetaient des produits vivriers, les matériaux de construction ainsi que les boissons. Les restaurants de la place recevaient aussi beaucoup de clients de part et d'autre. Mais aujourd'hui, les affaires commerciales restent paralysées à Ruhororo. Nous lançons encore une fois l'appel au gouverneur de notre province de tout faire pour l'ouverture totale de notre frontière avec le Rwanda voisin. C'était l'administrateur de la commune Mabayi dans cette traduction de mon confrère Omer Ndouayo. Entrons donc dans le vif du sujet. La balle est dans le camp de nos invités. Vous venez de l'entendre, certaines pistes frontières sont toujours fermées côté Cibitoke. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que vous appréhendez une telle situation? Je commence par Benny King de Chikane. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, chercheur en droit commercial. Merci de m'accorder la parole. Premièrement, ce que je voulais dire, c'est que le commerce est transfrontalier. Et lorsque il est bien accompagné, peut être un moyen donc important de lutter contre la pauvreté. Ça veut dire que les populations, non seulement la population qui habite dans ces provinces, non seulement les populations qui sont proches, mais surtout pour tout le pays. Surtout tout le pays. Ça veut dire que merci. Et donc je disais que premièrement, c'est très intéressant quand on parle du commerce transfrontalier parce que lorsque le commerce transfrontalier est bien accompagné, donc c'est un moyen de lutter contre la pauvreté, non seulement pour les populations qui sont proches, mais aussi pour tout le pays. Ça veut dire que les frontières qui sont maintenant, nous avons entendu qu'il y a des réouvertures des frontières. Mm-hmm. C'est, on dirait que le pays est un peu soulagé, non seulement pour les habitants des frontières, mais aussi c'est une chose que nous apprécions beaucoup, mm-hmm. parce que le Burundi en profite. C'est aussi l'un des facteurs qui fait que les lois soient mises en vigueur. N'oubliez pas que nous sommes dans la communauté est-africaine, alors que parmi les principes de l'EAC, il y a donc la cohabitation mutuelle, donc la libre circulation des biens et services. Donc il ne devait pas avoir une libre circulation des biens et services sans que les frontières soient toujours fermées. Mm-hmm. Alors c'est un soulagement pour le Burundi, mais aussi, comme vous venez de le dire, il y a d'autres pistes de frontières qui sont encore fermées, comme nous venons de l'entendre. Ça veut dire que des efforts devaient être déployés aussi pour essayer d'ouvrir ces frontières qui sont encore fermées. Merci. Oui, justement, avant d'arriver sur les solutions à envisager pour qu'il y ait cette circulation des biens, des personnes que vous évoquez, Fulgence Emmanuel Hignouza, je rappelle que vous êtes représentant légal de l'Association communautaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ACPDH. Vous venez de l'entendre, les trois gouvernements, burundais, congolais et rwandais, ils ont annoncé la réouverture des frontières. Mais on entend qu'il y a des pistes qui sont toujours fermées. Quelle est votre réaction ? Merci de la parole. Ce que je pourrais dire à propos de cette réouverture des frontières, c'est vraiment un sentiment de remerciement à nos trois gouvernements d'avoir pensé à réouvrir les frontières officielles des trois pays. Cela parce que une fois les frontières ouvertes, la population de nos trois pays utilisent ces frontières pour faire leurs activités quotidiennes, notamment le commerce transfrontalier, qui est une activité qui sert à la cohabitation, qui sert d'outil visible à la cohabitation pacifique de nos trois pays. Entendre alors qu'il y a des pistes qui sont encore fermées, c'est vraiment un autre désir de demander à nos autorités, les autorités gouvernementales, de penser aussi à rouvrir, à réouvrir ces pistes, parce que les populations environnantes qui utilisaient ces pistes en ont encore besoin. Surtout pour le commerce transfrontalier et autres échanges. Parce que, vous le savez très bien, nos populations ont des relations intimes, des relations familiaux. Il y a des Burundais qui ont épousé des femmes rwandaises, des femmes congolaises. Ils échangent et vice-versa. Donc, il faudra penser à réouvrir toutes les pistes qui sont encore fermées. Selon vous, le fait qu'il y a des pistes frontières qui sont toujours fermées, c'est déplorable. C'est déplorable. Dans le reportage de notre confrère de Chibitoke, Alexis Ndayiragije, on a entendu que le Premier ministre, lors de la réunion avec les natifs, il a demandé au gouverneur de Chibitoke d'entreprendre des manœuvres avec les autorités congolaises pour que ces pistes frontières soient ouvertes. Est-ce que le gouverneur de Chibitoke a ces compétences? Comment est-ce que vous interprétez cet appel du Premier ministre? Bon, cet appel du Premier ministre, je pense que cet appel a des forces dans la mesure où les autorités provinciales de nos deux pays puissent engager des consultations dans la mesure de prendre une décision de réouvrir les frontières. Parce que les autorités provinciales en ont ces capacités. S'ils échangent, s'ils communiquent, ils peuvent arriver à prendre des décisions allant à réouvrir les frontières. Surtout qu'au niveau supérieur, la volonté est là. Professeur Benny King du Chikane, on a entendu dans le reportage, il y a aussi l'administrateur de Mabahayi qui dit avoir saisi le gouverneur et le Premier ministre qui envoie le gouverneur négocier la réouverture de ces pistes. Comment est-ce que vous interprétez ces deux appels? Permettez-moi que je revienne un peu sur les principes de notre communauté. Il y a donc la RDC et le Burundi. Maintenant, nous sommes dans la communauté est-africaine. Nous sommes donc devant des principes que l'on devait donc suivre. Alors, si on regarde bien les principes de l'établissement du traité de l'EAC, on trouve que d'abord, l'article 6, prône le bon voisinage et la coexistence pacifique entre les pays. C'est aussi le règlement des différends pacifiques entre les pays. Ça veut dire que, selon moi, c'est au niveau des États d'échanger et de trouver donc des solutions durables pour permettre la libre circulation, permettre la coopération entre les pays. Alors, selon moi, je crois que oui, les autorités provinciales peuvent entamer des négociations parce qu'ils sont là sur le terrain. Les autorités qui sont là donc peuvent bien voir ce qui se passe réellement. Mais je crois que cela doit être discuté au niveau de pays, au niveau des États. Donc, selon, parce que nous sommes, comme je l'ai déjà dit, dans une communauté africaine et nous avons des lois et principes qui nous guident. Ça veut dire que cela devait être fait donc, selon ces principes. Merci. Merci beaucoup, professeur Benny King de Chikane. Certaines pistes et frontières restent fermées alors qu'elles sont aménagées. Quelles seraient les causes selon vous? Certains disent la guerre en RDC, certains disent le Burundi continue toujours à demander les présumés putschistes qui sont de l'autre côté. Quelles seraient vraiment les causes profondes qui poussent à ce que ces pistes restent toujours fermées? Selon moi, je crois qu'il s'est passé tant mal de choses dans les années précédentes. Je crois qu'il y a eu plusieurs causes qui peuvent qui font que les pays peuvent fermer les frontières. Ici, si je vais commencer par plusieurs causes. D'abord, permettez-moi que je parle du côté technique. Il y a des causes. Disons, le Covid-19 aussi, a fait que les pays puissent fermer les frontières. Parce que vous savez qu'il y a des mesures phytosanitaires qui doivent être prises pour protéger les populations. Mais il y a aussi, comme vous venez de le dire, il y a aussi d'autres causes qui sont, je dirais, politiques entre les pays. Il y a plusieurs causes, je dirais. Donc, si on entre en vue du sujet, comme vous l'avez dit, je ne suis pas mieux placé pour trouver d'autres causes qui sont surtout politiques. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a toujours des causes. Et comme vous venez de dire, on a dit qu'il est toujours possible d'enclencher des dialogues, des négociations avec les pays voisins. Ce qui dit qu'on peut surmonter ces causes et ne pas se focaliser sur les causes, mais surtout d'essayer d'aller d'avant pour essayer de permettre ce commerce transfrontalier d'être encore plus florissant qu'avant. Merci. Oui, Fulgence Manirahinyuza, le représentant légal de CPDH, c'est la même question. Il y a des pistes qui sont toujours fermées. Vous circulez dans le pays. Auriez-vous entendu ou su les causes profondes qui seraient derrière cette fermeture qui continue alors que les frontières burundo-rwandaises, burundo-congolaises ont été ouvertes, mais qu'il y a des pistes qui restent fermées? Je ne peux pas dire que je connais les causes profondes de, de cette fermeture, oui, de ces frontières. Parce que, comme l'a dit Benny, il peut y avoir plusieurs causes, dans les causes politiques ou autres. Il a également parlé des causes techniques, notamment le Covid-19 qui a secoué le monde, y compris nos deux pays. Là, moi aussi, je ne peux pas dire telle ou telle autre cause parmi les causes profondes, mais peut-être qu'une autorité publique pourrait s'exprimer là-dessus. Alors, devant une telle situation, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences, Fulgence Manirahinyuza? Quelles sont les conséquences? Oui, si les pistes restent fermées. Si les pistes restent fermées, les premiers perdants sont les populations qui fréquentent ces lieux. Sont les populations qui vivent dans nos deux pays. Parce que une fois les frontières fermées, les populations qui avaient l'habitude de fréquenter ces pistes ont tendance à chercher à passer par d'autres voies illicites, ce qui les expose alors à d'autres infractions. Et par exemple, un Burundais qui va passer, qui va en RDC sans passer sur la frontière officielle, il risque d'être arrêté en RDC. Et cela sera la cause principale, peut-être que elle aura, et la cause principale, c'est que la personne aura passé par des chemins illicites. Donc ils doivent passer dans une voie légale. Dans une voie légale, ça impacte sur les activités et sur la population qui utilise ces frontières. Au niveau des activités, ça va diminuer la fréquence du commerce. Mm-hmm. Par exemple, si on devrait aller vendre des produits burundais en RDC, une fois les frontières fermées, c'est-à-dire que les usagers de ces frontières n'auront pas accès à aller vendre leurs produits en RDC. Ce qui va alors fragiliser leur économie, parce que parmi les activités quotidiennes figure le commerce transfrontalier. Et ce commerce transfrontalier apporte des devises, apporte des impôts et taxes? Ça apporte des taxes et des revenus pour les populations. Par exemple, au niveau des devises, parce qu'il y a aussi des commerçants moyens qui peuvent aller vendre des produits en RDC et avoir des devises. Et cela, ça a aussi un impact positif pour notre pays. Oui. Professeur Benny King, vous venez d'entendre, c'est la même question. Si les frontières, les pistes frontières restent fermées, il y a un impact négatif sur l'économie du Burundi. Quelles sont les conséquences, vous qui êtes chercheur en droit commercial? Premièrement, permettez-moi aussi de commencer par déterminer les quelques faiblesses de notre pays. Le Burundi, on ne peut pas. On peut dire que le Burundi est un pays d'abord enclavé. C'est un pays qui a besoin des pays limitrophes pour avoir accès aux océans Indien et Atlantique. Le Burundi aussi a son industrie toujours en phase embryonnaire. Le Burundi aussi produit peu par rapport aux pays, limitrophes. Alors, nous avons besoin constamment du commerce transfrontalier. Nous avons besoin du libre-échange avec les autres pays. Alors, dans ce cas, si les frontières sont fermées, premièrement, c'est automatique qu'il n'y a pas de libre circulation des biens et services. S'il n'y a pas de libre circulation, alors que nous devrions importer plus des pays limitrophes à travers ces postes même qui sont fermés. Donc, vous comprenez que c'est le Burundi qui perd. Ça veut dire que si on regarde la frontière avec la RDC, le Burundi et la RDC, le Burundi, vous savez bien qu'il a besoin des devises. S'il y avait un cadre réglementaire bien précis, donc s'il y a un commerce avec la RDC, entre le Burundi et la RDC, donc si les postes de frontière étaient donc ouverts jusqu'à maintenant, on pourrait dire que le Burundi pourrait en bénéficier. On pourrait aller vendre de nos produits parce que selon les études faites par la BRB, on a vu que les Burundais, surtout de la population ivoirienne, donc vendre des produits, des vaches ou bien d'autres produits vivriers, vers les décès, mais ne passent pas par des voies qui sont officielles. Donc, parce que les frontières sont fermées, ils essaient donc de contourner donc ces postes pour arriver en RDC. Et donc là, c'est Burundi qui perd aussi. C'est la commune qui n'encaissait pas les taxes. Donc, nous perdons dans tous les sens. Nous perdons dans tous les sens si les frontières sont fermées. C'est une occasion vraiment, une occasion de lancer un appel pour essayer donc, pour savoir que le Burundi est un pays enclavé. Le Burundi est un pays qui maintenant a son industrie très embryonnaire. Donc nous devons faire face à la compétition, oui, mais il faut absolument que les frontières soient ouvertes. Merci. Donc selon vous, il y a la fraude? Il y a la fraude, il y a le commerce n'est pas florissant, alors que nous avons besoin de cette libre circulation des biens et services qui proviennent de l'étranger. Alors, si les frontières sont fermées, vous comprenez automatiquement que il y a donc le Burundi qui paye, il y a un problème pour nous. Donc, vous voyez même que maintenant, les populations de Bujumbura ou bien de frontières avec le Congo, maintenant, même si ces frontières sont ouvertes, ils sont un peu soulagés, mais quand même, il devait y avoir Donc, même les autres frontières devaient être ouvertes. Merci. Côté congolais, M. Fulgence Mandra Hinyuza est ouvert le poste d'Ogatumba et celui de Ruhwa. Et nous avons entendu dans l'introduction de l'émission que les Congolais doivent passer par Kamanyola à partir d'Osangé, et contourner, et rentrer à Bugarama et venir sur Ruhwa. Et là, les conséquences, quelles sont les conséquences que vous constatez à cet effet? À cet effet, les conséquences sont aussi visibles parce que, vous savez, le transport est cher. Si on fait de longues distances, c'est-à-dire que et les marchandises et les transporteurs, ça ont un impact négatif sur le revenu. Ça, parce que si le commerçant a contourné toutes ces longues distances, a dû passer sur de longues distances, en vendant ses produits, il va aussi chercher à avoir cet argent qu'il a utilisé. Et de là, il y a augmentation des prix. Ça, c'est aussi lié au transporteur. Quand on a fait de longues distances, on doit dépenser beaucoup. Il y a le carburant qui est aussi cher. Ça a un impact négatif sur les usagers de ces frontières. Donc, il faudrait faire à tout prix que ces frontières soient ouvertes. Plus les distances deviennent longues, plus même ceux qui font le commerce transfrontalier, ils vont spéculer sur les prix. Oui. Plus ils font de longues distances, plus ils vont essayer de voir comment rehausser leurs marchandises. Et de là, il y a exactement la spéculation sur les produits et les prix. On a parlé surtout sur la frontière Burundi-RDC. Tout à l'heure, il y a l'administrateur de Mabayi qui parlait de la situation suite au poste de douane de Ruhororo qui est toujours fermé. Il a dit qu'auparavant, jadis, avant la fermeture, les taxes aidaient à renflouer les caisses communales. Et docteur Benny King du Chicane, est-ce que si les frontières sont toujours fermées, est-ce que c'est seulement la population qui en souffre ou bien il y a d'autres conséquences sur la province ou la commune en général? Comme je l'ai dit, si les frontières restent fermées, ce n'est pas seulement la population environnante. C'est aussi tout le pays qui en souffre. Parce que chaque pays, dans son politique macroéconomique, veut donc voir comment... donc l'emplacement d'abord géographique du pays, mais aussi voir les frontières et les pays. Donc, prenez un bon voisinage avec les pays voisins. Alors, si, comme vous venez de le dire, ce n'est pas seulement la population environnante, ce n'est pas seulement la commune, ce n'est pas seulement la province, mais aussi c'est tout le Burundi qui en souffre. Donc, en tout état de cause, donc, quand on prépare une politique macroéconomique, on devait donc essayer d'éliminer les obstacles qui permettent d'éliminer les obstacles qui font que le commerce ne soit pas florissant. Alors on devait à tout prix voir tous ces obstacles et essayer de les éliminer. C'est d'ailleurs l'un des principes aussi de l'East African Community. C'est d'éliminer tous ces obstacles, éliminer les obstacles à tout prix pour que le commerce soit toujours florissant. Je crois que nous aurons le temps donc d'aller en vue du sujet quand on parle des lois qui sont relatives à l'économie. Justement, l'administrateur de la commune Mabayi évoquait qu'avant la fermeture, la commune collectait plus de 600 000 francs de taxes sur le bétail. Est-ce que si cela n'est pas le cas, quelles sont les conséquences que peut vivre la commune, notamment dans les frais de fonctionnement? Quelle est l'excuse que vous faites, M. Fulgence Manira Hinyuza, à une commune qui ne parvient pas à collecter les taxes communales? Comme l'administrateur communal l'a dit, il a bien dit que la commune percevait plus de 600 000 francs chaque mercredi de la semaine. Et dans ce cas, il faut évaluer alors. 600 000 francs par semaine, dans une année, c'est une perte de combien de francs? Est-ce que cette somme perdue qu'est-ce qu'elle aurait pu aider la commune. C'est dans ce sens que des fois, il y a des activités que la commune devrait faire qu'elle ne parvient pas à faire. Par exemple, si la commune pouvait payer les frais des soins de santé d'un indigent de la commune, peut-être que la commune pourrait utiliser cet argent perçu dans les taxes pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Et là, je disais un indigent, parce qu'un indigent de la commune qui n'a pas pu payer ses frais, ses soins de santé. Et aussi, il y a les fonctionnaires de la commune, parce que ce sont les communes qui payent leurs fonctionnaires. Et là, quand la commune n'a pas pu avoir les taxes suffisantes, là, elle sera aussi incapable de payer les salaires de ses fonctionnaires. Oui, on a parlé de la commune, on a parlé de la population, on a évolué vers la commune, maintenant évoluons vers le pays. Professeur Benny King de Chikane, on a constaté à Ruhororo qu'il y a les bureaux de l'OBR qui sont fermés depuis 2015. Est-ce que le gouvernement n'avait pas besoin de ces impôts collectés par l'OBR? Écoutez, si on a déjà dit que les postes de frontières sont fermés, ça veut dire qu'automatiquement, il n'y a pas de gens qui passent, il n'y a pas de commerce. Et par conséquent, donc, le BL n'a plus quelque chose à faire là, sur ses frontières. Donc, c'est comme on l'a dit, ce sont des conséquences qui en découlent. Vous fermez les frontières avec un pays voisin, ça veut dire qu'aussi, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas une circulation sur les frontières. Mais vous comprenez aussi que l'office burundais de recettes aussi n'avait pas grand-chose à faire. Ça veut dire que c'est le Burundi aussi qui paie, parce que les taxes qui devaient être perçues sur ces postes de frontières, le Burundi va en perdre. Donc vous comprenez que c'est le Burundi toujours qui paie lorsque les frontières sont fermées avec surtout nos pays voisins. Le peuple burundais perd, la commune perd et le gouvernement perd. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que vous suivez Mosaïque qui axe sur les pistes frontières avec la RDC et le Rwanda, toujours fermées. Alors que les hautes autorités de ces pays avaient procédé à la réouverture des frontières qui étaient fermées suite au Covid-19. Un accord a été signé entre le Burundi et la RDC, au terme duquel, entre autres projets, un point reliant le Burundi, un pont reliant le Burundi et la RDC au niveau de Buganda, à 50 km de Bujumbura et à 30 km de la frontière Ruhwa. Ce pont permettrait une circulation fluide, rapide et peu cher entre populations riveraines de la Rusizi. Pourquoi cela tarde selon vous? Ça fait déjà 18 mois après cet accord. Professeur Benny King de Chikane. Merci. Vous venez de parler d'un accord entre le Burundi et la RDC, mais ce n'est pas seulement cet accord qui est là entre ces deux pays. Ce n'est pas seulement cet accord qui permet donc. Ce n'est pas cet accord qui permet. À ce que le Burundi et la RDC puissent avoir des relations, donc une relation quand on parle du commerce, quand on parle de la libre circulation, quand on parle aussi des Congolais qui peuvent venir séjourner ici librement. Ce n'est pas seulement le commerce, mais quand on parle d'un accord, il y a plusieurs accords. Ici, je crois que comme la RDC a rejoint les autres pays dans l'East African Community, il devait y avoir d'abord parmi aussi les principes de l'East African Community, c'est renforcer aussi les infrastructures entre les pays. Donc, il y a d'autres normes, au niveau de l'East African Community, il y avait aussi des obligations entre les pays de renforcer les infrastructures entre les pays pour permettre donc que les commerçants ou bien d'autres biens et services puissent se transiter entre les deux pays. Alors si cet accord n'est pas mise en œuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais vous comprenez que un pont qui relie donc les deux points est très important et qui devait être donc ça, cet accord devait être mis en vigueur. Selon moi, alors il faudra donc accélérer le processus de cet accord parce que je sais pas pourquoi cet accord n'a pas été mis en vigueur. Mais selon moi, on devait accélérer donc pour que cet accord soit mis en vigueur. Oui, ce pont, selon les habitants de Buganda, existait depuis les années de l'indépendance, mais après sa destruction, rien n'a été fait, alors que ce pont était bénéfique pour la population de la région, du côté Burundi et du côté congolais. Alors aujourd'hui, personne n'en parle. Monsieur Fulgence Manera Hinyuza, quelle est votre réaction? Bon, moi je pense que la plus importante est qu'il y ait cet accord. La grande chose, c'est que l'accord est déjà là. Comme l'accord est déjà là, moi, je garde espoir que ce pont sera réhabilité. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'au niveau des États, si les budgets n'ont pas été disponibles à temps, je ne sais pas ils voulaient retrouver les moyens de réhabilitation de ce pont. Mais comme la volonté de réhabiliter le pont est là, bon, je peux garder espoir qu'un jour, ce pont sera réhabilité. Et si ça reste ainsi, c'est toujours les conséquences sur la population, le développement du pays aussi. Hein. Comme ça, si ça reste ainsi, je pense qu'on aura l'occasion de plaider au niveau des autorités, pour que ce pont soit réhabilité. Parce que, comme la population le dit, c'est un pont qui est très important dans la vie quotidienne des usagers de cette frontière. Plus d'un s'interroge pourquoi il y a des pistes frontières qui sont toujours fermées, alors que les trois pays voisins, limitrophes, frontaliers, ont décidé la réouverture des frontières. Alors, quelles sont les solutions qui peuvent mener les trois pays à concrétiser, à mettre en application la réouverture totale des frontières entre ces trois pays? Merci pour cette question. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, la réouverture des frontières, c'est faciliter le commerce. Non seulement le commerce, donc des relations entre les pays. C'est aussi une mise en vigueur des lois qui existent déjà. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la RDC avec le Burundi sont toujours rencontrés dans la communauté est-africaine. Et très prochainement, avec la zone de libre-échange continentale qui prône un marché commun. Alors, nous ne pouvons pas donc traîner, donc, parce que c'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé parce que pour les autres pays, même s'il y a des conflits entre les pays, même s'il y a peut-être des problèmes politiques entre les pays, le commerce, c'est pour la population, c'est pour tout le pays. C'est pour essayer de permettre au pays de survivre. Ça veut dire qu'il faut à tout prix donc chercher des solutions. Où sont alors ces solutions? Alors, selon moi, alors, il faut d'abord consulter le traité de l'East African Community, le traité de la communauté East africaine. Ce traité prône d'abord que les pays doivent donc permettre à la population, aux marchandises et bien ses services de circuler librement entre les pays. Alors, on ne peut pas prôner une libre circulation et en même temps fermer les frontières. Alors, les deux choses ne peuvent jamais aller de pair. Soit vous fermez les frontières, bien sûr, il y a des conséquences. Et bien sûr, il y a des conséquences qui sont directe et indirecte sur les populations. Mais on ne peut pas prôner la libre circulation, mais en même temps fermer les frontières. Donc, il faudra donc mettre en vigueur le traité de l'East Africa, mais aussi chercher à ce que les populations puissent aller librement entre le pays. Merci. Oui, et de l'autre côté de la RDC, on peut évoquer l'insécurité et refuser de rouvrir ces pistes. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien sûr. L'insécurité est l'un des facteurs qui peut faire à ce que les frontières restent fermées, bien sûr. Oui. Parce que on ne peut pas laisser les populations traverser les frontières alors qu'il n'y a pas de sécurité. Mais moi, je crois que toujours, c'est nous qui perdons. Ça veut dire que pour nous, je dirais qu'on devait prendre des mesures. Essayer de prendre des mesures de sécurisation des frontières, par exemple. Mm-hmm. Essayer de prendre des mesures pour que les biens, surtout, entrent et les biens sortent du Burundi et du Congo. Mm-hmm. On peut prendre des mesures de sécurisation de ces frontières parce que du côté burundais, aussi du côté congolais, on peut juste essayer de sécuriser ces pistes qui sont ouvertes pour permettre la libre circulation des biens et services entre les deux pays. Mmh. Oui, on a parlé de l'Est, de l'Ouest, du Nord, mais on n'a pas fait un coup d'œil sur le Sud. La fois dernière, il y a les commerçants burundais qui se rendent en Tanzanie. Ils ont dit que quelquefois, ils sont persécutés là-bas. Ils voient leurs marchandises saisies par des inconnus. Et là, vous êtes chercheur en droit commercial. On entend que les droits commerciaux pour les Burundais en Tanzanie sont bafoués. Et là, qu'est-ce qui devrait être fait? En principe, si l'un des pays n'applique pas correctement les principes de la communauté, mm-hmm. il y a toujours des voies de recours. Et j'ai entendu que les Burundais sont persécutés en Tanzanie. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est toujours ces principes qui sont violés. C'est toujours les principes de la libre circulation des commerçants, des biens et services qui sont violés. Alors, il y a aussi des mesures graduées pour essayer de contrôler ou bien d'apporter des sanctions à des pays ou bien aux commanditaires qui ne laissent pas, donc qui sont des obstacles donc à ces principes. Alors ici, je dirais que on devait saisir les autorités. En principe, on devait saisir les autorités pour que les autorités burundaises puissent parler avec ceux de la Tanzanie, mm-hmm. afin d'essayer de résoudre ces questions. Parce que aussi le Burundi s'approvisionne beaucoup de la Tanzanie. Ça veut dire que s'il y a un problème avec notre voisin tanzanien, je crois qu'il y aura un grand problème. Il y aura un grand problème pour nous, pour le commerce burundais, parce que vous savez bien que aussi on utilise le corridor sud. Ici, si on parle de la Tanzanie, on parle d'un pays qui nous donne accès à l'océan. Mm-hmm. Ça veut dire que si la Tanzanie nous bloque, par exemple, s'il y a des blocages pour nos commerçants ou bien pour tous ceux qui exercent les activités, ça veut dire qu'il y a un grand problème pour nous. Mmh. Alors, en conclusion, donc, non seulement la Tanzanie, non seulement la RDC, non seulement l'Ouganda, les pays qui sont proches, surtout limitrophes, on devait donc absolument créer des bonnes relations avec ces pays parce que le pays en dépend. Ça veut dire que le commerce, le suivi du pays en dépend. Et c'est pour cette raison alors que dès le début, nous enregistrons de l'ouverture de ces frontières et nous croyons bien qu'on pourra donc aller d'avant, même ouvrir d'autres frontières et donc permettre la libre circulation des biens et services entre le Burundi et d'autres pays. Mmh. Et cela est ainsi, les Burundais se demandent pourquoi eux, ils sont accueillants alors qu'arrivés à l'extérieur, ils sont persécutés. À chaque fois, les pays se comportent différemment. Mmh. Les cultures, des gens des pays sont un peu très différentes. Mais en principe, il y a des lois, des règles qui sont là. Mmh. Si des règles ou des lois sont bafouées par l'un des pays, mmh. il y a toujours des voies de recours. Alors, c'est pour cela que nous sommes dans une communauté. C'est pour cela que le Burundi n'a pas des lois qui sont propres seulement au Burundi. Il y a des lois qui sont là, donc qui prennent pour toute la communauté. Donc, il appartient donc au pays, au Burundi, d'essayer de défendre le peuple. Sa souveraineté. Oui, oui. Fulgence Manrahinyuza, je rappelle que vous êtes représentant légal de la CPDH. quelles sont les solutions envisagées pour que ces pistes frontières qui restent fermées entre le Burundi et la RDC, entre le Burundi et le Rwanda, soient ouvertes? Bon, les solutions envisagées, j'ai bien entendu qu'à Cibitoke, le Premier ministre burundais a recommandé au gouverneur de la province d'entamer un dialogue avec son homologue de la RDC. Ça, c'est une voie, c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions, mais je pense aussi qu'il faudrait voir comment, à un niveau plus haut, de mener une action en dialogue entre le niveau plus haut, au niveau des États, pour que le processus de dialogue soit amorcé. Le niveau supérieur recommande le niveau supérieur recommande au gouverneur des provinces, quelles que soient au Burundi et en RDC, d'entamer un dialogue pour voir comment réouvrir les frontières qui sont encore fermées. Oui, de l'autre côté de la RDC, on risque d'évoquer le problème d'insécurité avec la guerre qui parle d'elle au nord et au sud Kivu. Et là, qu'est-ce qui devrait être fait? Là, il faut savoir que la sécurité prime sur tout. La sécurité prime sur tout. Et le gouvernement burundais a cette obligation de protéger la nation burundaise. Dans ce sens, une fois la frontière ouverte, le gouvernement aura mis en place des moyens pour sécuriser ces frontières. Il y a la police qui est là. Il y a l'armée qui est là. Il faut utiliser ces ressources pour que la sécurité burundaise soit sauvegardée. Même sous d'autres cieux, quand on est en guerre, on doit travailler. Oui, oui. On doit travailler, même si le pays est en guerre. Oui. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que les Burundais ne sont pas seulement persécutés au nord, à l'est ou à l'ouest, mais au sud aussi, il y a des Burundais, de commerçants qui s'approvisionnent en Tanzanie, qui dénoncent toujours la persécution. Ils disent qu'ils sont pillés, leurs biens, leurs marchandises sont pillés par des inconnus. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'il y ait libre circulation, comme le prescrit la loi? Pour qu'il y ait libre circulation des biens et des personnes, comme la loi le prescrit, je pense que ce qui s'observe au niveau de la Tanzanie, c'est aussi observé au niveau de la RDC. Là, on a toujours parlé des tracasseries qui s'observaient sur les documents migratoires. Et là, on a mené un plaidoyer au niveau des deux pays pour que ces tracasseries cessent. Je pense qu'il sera de la même façon mener des actions de plaidoyer au niveau des provinces du sud, Makamba et du côté Tanzanie, pour que ces actions de persécution des commerçants puissent cesser. Oui. Il y a aussi l'intervention de l'ambassade et nous avons les représentants du Burundi dans son pays. Là aussi, il faudra voir comment mener un dialogue, entre les usagers de ces frontières, les commerçants burundais qui sont persécutés, les commerçants tanzaniens qui fréquentent la frontière burundaise et qui voient qu'au Burundi, il n'y a pas ces tracasseries. Et là, on pourra voir mettre ensemble des mécanismes qui pourront faire cesser cette persécution. C'est sur ces pistes de solution que se referme l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle que l'on parlait sur les pistes de passage encore fermées entre le Burundi et la RDC, entre le Burundi et le Rwanda, et l'impact sur les populations transfrontalières. Je remercie les invités, Fulgence Manirahinyuza. Je rappelle que vous êtes le représentant légal de l'association communautaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme à CPDH. Merci de votre participation à l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Nous étions aussi avec Benny King de Chicane, professeur d'université, chercheur en droit commercial. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. ici aussi. On a voulu être avec Polycarpe Koubgaïo, secrétaire exécutif de l'association des commerçants transfrontaliers, c'était en sigle, mais nous l'avons manqué dans les dernières minutes. La mise en onde était assurée par Eric Wimana. Innocent Abimonimana était à la prise des images. La réalisation était assurée par Leondas Kirombo. À l'animation de ce débat, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne suite de programme sur les ondes de la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.